La scène est surprenante. À l'intérieur d'un studio de télévision improvisé planté sur une colline, au beau milieu d'un bidonville de Caracas, le présentateur tient l'antenne pendant des heures. Avec une extraordinaire aisance, il mélange propos politiques et anecdotes plaisantes. À plusieurs reprises, le public qui se trouve devant lui éclate de rire. Par exemple, lorsqu'il raconte comment il a réussi un jour à faire chanter Fidel Castro. C'est fou ce qu'il peut chanter faux. Puis il prend une téléspectatrice au téléphone, une femme d'origine modeste. Elle raconte sa vie, ses espoirs, ses déceptions. Il répond, la réconforte, termine la conversation en lui envoyant un baiser. Et le show continue. Il se tourne vers les hommes qui l'entourent. Ce sont des ministres. Familièrement, il leur demande de parler de leur travail, de leur projet. Ensuite, il téléphone en direct à un chef d'État sud-américain, échange quelques plaisanteries avec lui. 6h30 après le début de l'émission, il en termine sous les applaudissements enthousiastes du public. Suite un bain de foule où il serre d'innombrables mains, embrasse des vieilles femmes, prend des enfants dans ses bras. Scène surprenante, disais-je, oui, car ce présentateur de télévision aux allures de rockstar n'est autre que le président du Venezuela, Hugo Chavez. Et son émission, Allô Presidente, est diffusée en direct dimanche après dimanche. Enfin, elle était diffusée, car depuis le putsch raté d'avril dernier, Chavez a renoncé à ce show télévisé hebdomadaire. El Loco, le fou, comme on l'appelle dans la bonne société vénézuélienne, a diminué le nombre de ses apparitions sur la télévision publique. Monsieur X, vous l'avez compris, a choisi cette semaine de me parler de ce personnage hors du commun qu'on a essayé récemment d'éliminer et qui, malgré son retour triomphal au pouvoir, demeure menacé. Un personnage, disons-le tout de suite, qui irrite beaucoup de monde et, en premier chef, les dirigeants des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis qui ne sont peut-être pas étrangers à la tentative de putsch du printemps dernier. Objectivement, il est vrai que si l'on cherche à qui pouvait profiter l'éviction de Hugo Chavez, on pense immédiatement aux Américains. Parce que ce type commençait sérieusement à leur taper sur les nerfs. Mais si vous voulez bien, on reviendra un petit peu plus tard sur cette question fondamentale. Vous voulez, comme à l'habitude, faire du suspense, quoi. Bah, écoutez, vos auditeurs s'en plaignent? Non. Alors laissez-moi faire mon idée, puis parlons un peu du Venezuela, son histoire. Vous comprendrez peut-être mieux après. Merci bien. Ouais. Bon, le Venezuela, c'était le pétrole. Je crois que c'est le 4e exportateur mondial et sa production représente environ 10% de celle de l'OPEP. Une formidable richesse. Oui, oui, les revenus du pétrole remplissent chaque année la moitié des caisses de l'État. Ça empêche qu'il y a 80% de pauvres au Venezuela. Alors, comment expliquer ça? Pendant des dizaines d'années, la manne pétrolière a surtout profité aux plus riches. Ajoutez à cela une corruption endémique et vous avez l'explication. D'ailleurs, à cause de cette situation catastrophique et de ces injustices flagrantes que Chavez est arrivé au pouvoir. En quelle année exactement là? En 1998. Et par la voie démocratique. Chavez est un président élu. Oui, mais pourtant, il me semble me souvenir qu'il avait tenté auparavant de prendre le pouvoir par la force. Exact. Hein. En 1992, il était alors lieutenant-colonel de parachutistes. Et qui était au pouvoir en 1992? Le président Carlos Andrés Pérez, un social-démocrate. Ça faisait alors une bonne trentaine d'années que le Venezuela avait chassé son dernier dictateur et vivait sous un régime démocratique. Deux partis se partageaient le pouvoir, la presse était libre, mais le pays avait connu de nombreuses épreuves. Dans les années 60, par exemple, une guérilla d'inspiration marxiste affronte l'armée. Et en 1989, une révolte populaire spontanée est violemment réprimée par l'armée. Il y a des milliers de morts. Donc le pays n'était pas aussi paisible qu'il y paraissait. Hein? Non, non, la crise était profonde et les élites politiques corrompues. Et l'écart se creusait toujours plus entre riches et pauvres. C'est pour cette raison que ces derniers se sont révoltés. Vous avez dit que c'était l'armée qui avait participé à la répression. Alors politiquement, comment se situe-t-elle dans ce pays? Eh bien, à la différence de beaucoup d'armées d'Amérique latine, elle n'était pas influencée par l'extrême droite. Elle se posait volontiers en garant de la démocratie. Cela dit, l'armée vénézuélienne n'était guère hétérogène. Il y avait les chefs, colonels, les généraux, qui étaient naturellement proches des élites économiques et politiques. Puis, il y avait la troupe et les cadres moyens qui étaient d'extraction plus modeste. Mais donc proches de la population. Oui, Hugo Chavez était l'un de ceux-là. Alors justement, parlons de lui. Chavez, c'est un zambo, c'est-à-dire un métis de noir, d'indien et de blanc. Ouais. Famille modeste? J'imagine. Relativement. Son père est instituteur, mais le jeune Hugo est ambitieux et comme beaucoup d'autres jeunes vénézuéliens, il comprend que s'il veut échapper à sa condition sociale, il n'y a que deux solutions, le baseball ou l'armée. Le baseball? Oui, c'est le sport national au Venezuela. Ah bon. Les joueurs professionnels sont de véritables vedettes là-bas. Mais si Hugo n'est pas un mauvais joueur, il n'est quand même pas suffisamment fort pour être engagé dans un grand club. Alors, ce sera l'armée. Et l'académie militaire. Et très vite, il va être possédé par le démon de la politique. Alors, de quel côté, là ? À gauche, résolument à gauche. Les héros de son panthéon personnel s'appellent Mao, Che Guevara, Castro. Et à l'occasion, ce catholique croyant n'hésite jamais à se référer au Christ. Un curieux mélange, quand même. Mais son grand homme, c'est Simon Bolivar, le libertador, comme on l'appelle, celui qui, au début du 19e siècle, a réussi à arracher à l'Espagne l'indépendance des pays du nord de l'Amérique latine. Ouais, y compris le Venezuela. Hein. Bien sûr. Bolivar les avait réunis au sein d'une république de Grande Colombie. Alors Chavez voue une admiration sans borne à Bolivar et n'aura de cesse de s'identifier à son héros. Et quand il accédera au pouvoir, il donnera un nouveau nom à son pays. Ce sera désormais la République bolivarienne du Venezuela. Ouais. Vous dites qu'il s'intéresse très tôt à la politique, hein, mais c'est un militaire quand même. Ah oui, mais son action est clandestine. Dès le début des années 80, Chavez rassemble autour de lui des officiers et crée un mouvement bolivarien révolutionnaire. Toujours bolivarien. Bien entendu. Et le rêve de Chavez, à ce moment-là, c'est d'imiter son grand homme et de faire l'unité des pays d'Amérique latine. Mais ce révolutionnaire entend aussi procéder à de profondes réformes économiques et sociales et chasser les oligarchies corrompues qui dirigent ces pays. Mmh. Comment compte-t-il arriver à ces fins, alors ? Bah, c'est un militaire. Il entend donc s'emparer du pouvoir par la force. Bah. Et donc, c'est ce qu'il fait en 1992. Oui, ça, hein. Les blindés sortent des casernes et les jeunes officiers espèrent bien gagner. Mais l'affaire est mal préparée et Chavez doit rendre les armes. Un échec. Oui. Mais, paradoxalement, El Comandante, comme le peuple va l'appeler, il gagne une grande popularité. C'est un vrai triomphe politique. Mais pourquoi alors ? Parce qu'il a osé s'attaquer au système, hein ? Certainement. Et aussi parce qu'il symbolise les aspirations du peuple. Ce peuple des bidonvilles qui vit au-dessous du seuil de la pauvreté. Mmh. J'imagine qu'à la suite de ce putsch manqué, Chavez est arrêté quand même. Bien évidemment. Le rebelle est emprisonné, ce qui ne nuit nullement à sa popularité, bien au contraire. Mais il sera gracié 2 ans plus tard par le nouveau président. À partir de là, il va se lancer à fond dans la politique. Et sa popularité, déjà très grande, va encore progresser au fur et à mesure que le Venezuela s'enfonce dans une grave crise morale et économique. Le système financier s'effondre, l'inflation galope et les plans d'austérité se succèdent, tous plus inefficaces les uns que les autres. Vous avez aussi parler de crise morale. Vous faites allusion à la corruption, je crois. Et à la drogue. Ouais. Le Venezuela est une longue frontière avec la Colombie et le pays est devenu peu à peu un véritable carrefour de la cocaïne. Un pays de transit. Bon, on estime dans les années 90 que l'argent généré par ce trafic est au moins aussi important que celui qui est procuré par l'exploitation pétrolière. C'est énorme. Oui, mais ça implique une multitude de complicités à tous les niveaux, politiques, administratifs et policiers. Les Vénézuéliens sont peu à peu persuadés qu'il faut donner un grand coup de balai. Ce sera fait en 1998 lors des élections présidentielles. Hugo Chavez est élu à une très large majorité. Oui, d'accord, mais sur quel programme ? Chavez promet de lutter contre la pauvreté, d'en finir avec la corruption et de rejeter la politique néolibérale. Il se propose aussi de procéder à de profondes réformes politiques en modifiant la Constitution. Oui, c'est donc un programme franchement de gauche. Sans aucun doute. Enfin, Chavez, malgré ses fréquentes allusions à Fidel Castro, se défend d'être communiste, ni même socialiste. Alors quoi, populiste ? Oui. Encore que cet adjectif englobe tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai, Chavez est populiste dans la mesure où il affirme avec force et un bagout certain qu'il représente d'abord les pauvres. Il est la voix des bidonvilles. Et donc l'adversaire des plus riches. C'est ça. Il ne manque jamais de les fustiger et de dénoncer les inégalités de la société vénézuélienne. Toutefois, sa première grande affaire, c'est le pétrole. Si le Venezuela connaît une crise économique sans précédent, c'est, estime-t-il, parce que le prix du pétrole est beaucoup trop bas. Alors il va se mettre en devoir de ressusciter l'OPEP, qui était à l'époque où il arrive au pouvoir une organisation moribonde. Il va réussir, hein ? Oui, oui, il va convaincre ses partenaires, et d'abord les pays arabes, de restreindre leur production de pétrole pour faire remonter les prix. Mais ce faisant, il s'attire immédiatement les foudres de Washington, qui ne veut pas d'un pétrole cher. Washington, qui ne voyait déjà pas d'un très bon œil ce président au discours révolutionnaire. Chavez, sitôt élu, s'attire la haine de la grande bourgeoisie. Maurice Lemoine note dans Le Monde diplomatique. Chez les habitants de la Castellana, Altamira, Palos Grandes, Las Mercedes, le Neuilly de Caracas, on enrage. Ce type est un démagogue, un populiste, un fou furieux. Dans le meilleur des cas, on lui accorde que certes, ceux qui l'ont précédé ne valaient guère mieux, mais il mène le pays à la ruine, avant de l'exécuter sommairement. De toute façon, sa place n'est pas à la présidence, un militaire ne sait faire que 2 choses, obéir ou commander. Au sein de la caste constituée par l'oligarchie, la finance et les classes moyennes, on hait cet intrus. Avec sa peau sombre et sa gouaille, il ressemble à un chauffeur de taxi, un portier d'hôtel, un déshérité des bidonvilles. Seulement, c'est précisément parce qu'il ressemble au peuple des profondeurs qu'il occupe Miraflores, le palais présidentiel. Et dans le même journal, Ignacio Ramonet explique « Sur le plan économique, le commandant Chavez souhaite s'éloigner du modèle néolibéral et résister à la mondialisation. Il nous faut, dit-il, rechercher le point d'équilibre entre le marché, l'État et la société. Il faut faire converger la main invisible du marché et la main visible de l'État dans un espace économique à l'intérieur duquel le marché existe autant que possible et l'État autant que nécessaire. La propriété privée, les privatisations et les investissements étrangers restent garantis, mais dans la limite de l'intérêt supérieur de l'État qui veillera à conserver sous son contrôle des secteurs stratégiques dont la vente signifierait un transfert d'une partie de la souveraineté nationale. Au simple énoncé de ces projets, les acteurs principaux de la mondialisation peuvent-ils faire autre chose que de diaboliser le président Chavez et sa révolution antilibérale ? Washington est d'autant plus agacé par le président Chavez que ce dernier, pour arriver à ses fins, multiplie les voyages dans les pays producteurs de pétrole. Quand il se rend en Arabie Saoudite ou en Algérie, la Maison-Blanche ne bronche pas. Mais lorsque Chavez se déplace en Libye, en Iran et même en Irak, alors les Américains grincent des dents. Ouais, ce sont les fameux États voyous récemment dénoncés par George Bush. Oui, mais ça ne passe pas. La rencontre entre Saddam Hussein et Hugo Chavez donne des boutons aux dirigeants américains. Ouais, ils voient ça comme une provocation. D'autant que pour eux, ce n'est pas la seule. Chavez, à peine élu, s'empresse de nouer des relations très cordiales avec Fidel Castro. Il va même fournir à Cuba des livraisons de pétrole à très bon marché. Est-ce que vous pensez que, dès ce moment, les États-Unis vont essayer de se débarrasser du président vénézuélien ? Il est certain, en tout cas, qu'ils ne feront rien pour l'aider. Puis, disons-le tout net, en d'autres temps, Chavez aurait été éliminé assez rapidement. Mais en d'autres temps, vous pouvez parler de la guerre froide. Hein ? Bien entendu. Les Américains n'auraient pas supporté longtemps d'avoir un régime progressiste, c'est-à-dire pour eux, crypto-communiste, à leur porte et dans leur précaré. Mais les temps avaient changé et les possibilités d'une intervention de la CIA étaient un peu plus délicates à mettre en œuvre. Ouais, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Oui. Hein. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que malgré les relations tendues entre les deux pays, le Venezuela demeure un des principaux exportateurs de pétrole vers les États-Unis. Ouais. Les États-Unis qui figurent donc parmi les principaux clients du Venezuela. Oui, oui. Est-ce que la tentative de Chavez de ressusciter l'OPEP, avez-vous dit, porte ses fruits ? Incontestablement. L'action de Chavez est positive. Les prix du pétrole grimpent de façon très importante. Et du même coup, les revenus du Venezuela augmentent. Ouais. Pas autant que Chavez l'aurait espéré. Il faut m'expliquer. Là. Le pétrole vénézuélien était produit par une compagnie nationale dont l'État était l'unique actionnaire. Une vingtaine d'années plus tôt, cette compagnie versait 75% de ses bénéfices dans les caisses publiques. Mais au fil du temps, ce pourcentage s'est amenuisé. Tant et si bien que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, la compagnie ne reversait à l'État que 30% de ses bénéfices. Alors le reste allait où ? Cet argent n'était sans doute pas perdu pour tout le monde. À la tête de cette compagnie, il y avait une quarantaine de cadres supérieurs. Ceux qu'on appelait à Caracas les généraux du pétrole. Et ils faisaient la pluie et le beau temps. Ils ne s'oubliaient pas. Et bien évidemment. Chavez, élu président de la République, donc, avait les moyens quand même de mettre fin à ses dérives dans une compagnie dont l'État était l'actionnaire unique. Certes, mais ses cadres supérieurs n'étaient pas prêts à abandonner leurs privilèges. Et quand Chavez voudra se débarrasser d'eux, ils se débattront avec tellement de vigueur qu'ils sont à l'origine du mouvement d'opposition contre le régime. Ouais, opposition qui finira en putsch. Exactement. Mais d'une façon générale, Chavez devra compter avec l'administration en place. Une administration largement corrompue et qui n'était pas prête à s'en laisser compter. Je sais qu'on a accusé Chavez de faire de beaux discours sans se décider à appliquer sa politique et sans même se donner les moyens de l'appliquer. Mais enfin, il faut quand même tenir compte des pesanteurs du pays et de l'hostilité qu'il a rencontrée dans tous les domaines. Il me semble que vous le défendez, là. Hein ? Non, je ne méconnais pas les défauts de Chavez. Nous en parlerons, si vous voulez. Mais il me doit d'être objectif. On lui a sans cesse mis des bâtons dans les roues. Telle est la vérité. Au fond, pour gouverner, Hugo Chavez ne dispose que de deux soutiens. L'immense population des déshérités et l'armée. Et ça le conduira à faire de nombreuses erreurs. C'est-à-dire ? Bien, comme il ne pouvait pas compter sur le dévouement des hauts fonctionnaires, il a nommé à la tête de quelques grands secteurs économiques des militaires. Ah ben, des gens qui n'avaient sans doute pas les compétences voulues, c'est ça ? Hein, ouais, ouais. C'est sûr. Avec ses nominations inappropriées, Chavez allant contribuer peut-être, malgré lui, à accroître la confusion et l'inefficacité de l'État. Le mécontentement va grandir. Pas tout de suite. Parce que Chavez bénéficie d'un état de grâce. Oui, et puis c'est un personnage qui sait séduire les foules et leur parler le langage qu'elles aiment. Alors, soyons francs, un démagogue. Sans aucun doute. Mais il est vrai qu'au début de son mandat, il vole de succès en succès. 3 mois après son élection, il annonce la mise en place du plan Bolivar 2000. Un plan destiné à venir en aide aux plus pauvres. Dans la foulée, il organise un référendum qui doit entériner la mise en place d'une assemblée constituante. Le oui l'emporte très largement malgré une forte abstention. Pourquoi ? Bon, sans doute parce que les habitants des bidonvilles ne doivent pas se sentir très concernés par la réforme constitutionnelle. Il n'empêche qu'un second référendum à la fin 99 approuve la nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution introduit quel genre de modification ? Eh bien, dorénavant, il n'y a plus qu'une chambre et les pouvoirs du président sont renforcés. Coïncidence tragique, dans la nuit même, des pluies diluviennes tombent sur le Venezuela. Il y a des dizaines de milliers de morts. La pire catastrophe qu'a connue le pays. Oui, je me souviens. Et l'état de précarité des habitations a encore accru le désastre. Naturellement. Hein. Mmh. Et le Venezuela aura du mal à se remettre de cette catastrophe qui a fait des centaines de milliers de sinistrés. Chavez ne se privera d'ailleurs pas de critiquer les gouvernements précédents qui ont laissé se développer cette urbanisation sauvage. Cette bonne guerre, si je puis dire. Mais Chavez n'a pas tort. L'année suivante, comme la préparation des nouvelles élections rend compte des difficultés d'organisation, le président remet en jeu son mandat et il est très confortablement reconduit à son poste pour 6 ans. Mais on s'achemine donc vers un régime présidentiel. Tout à fait. Et à la fin de l'année, il va obtenir de l'Assemblée qui a été enfin élue le pouvoir de gouverner par décret pendant une année entière. Ouais. Est-ce que pour autant le pouvoir de Chavez évolue vers la dictature ? Il est réel que le président détient tous les leviers du pouvoir face à une opposition disparate et peu efficace. Mais il n'y a aucun prisonnier politique dans les prisons vénézuéliennes et la presse est libre. Télévision, radio et presse écrite critiquent d'ailleurs à tout bout de champ le gouvernement et Chavez. Souvent d'une façon excessive, parce que cette presse est entre les mains des grandes entreprises, elles-mêmes liées aux anciens dirigeants du pays. Donc, m'assurer, hein, selon vous, ce n'est pas une dictature. Absolument pas. Même si Chavez se conduit en autocrate et accentue encore le virage à gauche de sa politique, ses relations avec Castro deviennent de plus en plus étroites, et Cuba envoie de nombreux conseillers au Venezuela. La grande bourgeoisie s'inquiète. Et la presse, toujours elle, accuse Chavez de conduire le pays vers le communisme. La presse qui va jouer un grand rôle dans les événements qui vont suivre. Le putsch, je voulais dire. Bien entendu. En fait, ce qui va mettre le feu au putsch, c'est la publication d'un certain nombre de décrets-lois qui accentuent encore les pouvoirs de l'État en manière économique et pétrolière, et surtout, qui prévoient une réforme agraire sans précédent. Il faut savoir qu'en effet, 1% des Vénézuéliens possèdent 60% des terres. Ouais, il va donc procéder à une redistribution des terres. Et cela, les grands propriétaires terriens ne peuvent pas l'accepter. Chavez va le payer très cher. Chavez, M. X l'a dit, a fréquemment été accusé de parler et de ne pas agir, c'est-à-dire de ne pas tenir ses promesses électorales. Qu'en est-il réellement ? Je suis retourné à la lecture du Monde diplomatique. En mai 2002, Maurice Lemoine écrit ceci. La suppression des frais d'inscription a permis l'incorporation de 600 000 élèves supplémentaires dans le système scolaire. Là, où 20 000 écoles fonctionnaient en 2 tours, une moitié des élèves le matin, l'autre l'après-midi, 2250 d'entre elles offrent désormais une journée complète d'études aux enfants. 750 autres s'y ajouteront à la fin 2002. Jamais on n'a construit autant de logements sociaux et malgré les difficultés, 2001 a vu une légère amélioration en matière d'alimentation et de santé. Depuis octobre 1999, la Banque du Peuple a accordé plus de 10 000 microcrédits, un investissement de 11,84 milliards de bolivars. D'octobre 2001 à février 2002, la Banque des Femmes a déboursé 2,92 milliards de bolivars pour aider 6 286 projets. L'inflation phénoménale des gouvernements antérieurs a été ramenée à 13%. Enfin, dans l'immense état d'Amazonas, aux 19 ethnies indigènes, les autochtones ont été directement associés à la rédaction de la Constitution qui élargit spectaculairement leurs droits. Une participation politique effective leur a permis de porter un de leurs représentants à l'Assemblée nationale, un au poste de gouverneur de l'État et d'autres à la mairie de plusieurs municipalités. Alors que 95% de leurs communautés isolées disposent à présent de l'électricité, l'effort de 2002, nous confie M. Bernabé Arana, maire autochtone d'Otama, porte sur l'eau potable et l'amélioration des conditions de santé. Avant d'en venir à la préparation de ce putsch anti-Chavez, un mot sur les défauts du président vénézuélien, enfin ses défauts ou ses fautes. Son principal défaut, c'est certainement la mégalomanie. Je ne sais plus qui a écrit que c'était un bolivar de pacotille. C'est très méchant. Mais il y a un peu de vrai là-dedans, tant Chavez veut s'identifier à son héros. Chavez est également velléitaire. Il peut très vite changer d'avis. Alors, ses fautes, me demandez-vous aussi La principale est sans doute de s'être laissé entraîner à soutenir la guérilla colombienne. Les FARC? Oui, une narco-guérilla. C'est trop souvent sous la protection de ces kalachnikovs que les trafiquants et les producteurs de cocaïne prospèrent. En outre, vous le savez, les FARC sont responsables de milliers d'enlèvements. Des enlèvements crapuleux qui se sont parfois terminés par l'assassinat des otages. Donc Chavez a incontestablement commis une faute en soutenant clandestinement cette guérilla prétendue marxiste. Un nouveau motif de grief des États-Unis. C'est certain. D'autres fautes? Oui. Oui, il est arrivé à Chavez de protéger ou de s'entourer de gens pas très clairs ou même carrément douteux, comme l'ancien patron des services secrets péruviens qui a détourné plus de 200 millions de dollars. Bon, je pense que ça vous suffit. Ça fait déjà pas mal. Alors, le putsch? Eh bien, parlons d'abord de sa préparation, la partie visible de l'iceberg en tout cas. Après, nous verrons ce qui se tramait en réalité. Les décrets-lois, en particulier ceux qui prévoient une redistribution des terres et un renforcement du contrôle de l'État sur l'industrie pétrolière, sont publiés à la fin de l'année 2001. Immédiatement, le patronat et le principal syndicat de travailleurs réagissent et lancent un mot d'ordre de grève qui va paralyser le pays une journée entière. Une grève pour protester contre les atteintes au libre marché. Le patronat, je comprends, mais pourquoi le syndicat des travailleurs? Parce qu'il y a longtemps que ce syndicat n'est plus une authentique organisation ouvrière. C'est une simple courroie de transmission du Parti social-démocrate qui a longtemps gouverné le pays avec la démocratie chrétienne. Et tout le monde s'accorde à dire que ses dirigeants sont corrompus et vendus au patronat. Et malgré tout, vous avez dit, la grève est un succès. Et c'est un sérieux avertissement pour Chavez, dont la cote de popularité commence à baisser brutalement. Que se passe-t-il, en dehors de cette agitation sociale? D'abord, une désillusion certaine dans les milieux populaires. Chavez les a fait rêver, mais les réformes sont trop lentes et les résultats se font attendre. Ensuite, c'est certainement pas un hasard, un document datant de 1999 est rendu public. Il fait état de relations étroites entre l'ancien chef des services secrets et la guérilla colombienne. Ça fait très mauvais effet. J'imagine, oui. Et puis en février, de hauts gradés de l'armée n'hésitent pas à demander la démission de Chavez. Publiquement? Publiquement, oui. Donc la situation se tend, mais est-ce que Chavez prend conscience, lui, de la gravité de la situation? Pas vraiment. Il affirme haut et fort qu'il n'y a aucun risque de coup d'état militaire dans le pays et qu'il a reçu l'assurance de l'ambassadrice américaine que les États-Unis n'interviendront en rien dans la vie institutionnelle du pays. Et pourtant, on note des signes inquiétants. Inquiétants pour Chavez, j'entends. Oui, par exemple? Au mois de mars, le représentant du patronat et celui du syndicat des travailleurs signent un pacte de gouvernement sous les auspices de l'Église. Et l'Église, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? La hiérarchie catholique est violemment hostile à Chavez. Et pourtant, m'avez-vous dit, Chavez est catholique? Oui, mais lui, il est plutôt du côté de l'Église des pauvres. Les prélats, eux, appartiennent à l'élite sociale, une élite qui plus que jamais est décidée à faire tomber Chavez. J'ajoute, mais nous en avons déjà parlé, que la presse pilonne systématiquement le gouvernement et que de plus en plus, à Caracas, il y a des rumeurs de putsch. Et Chavez, alors lui, ne voit toujours rien venir? Bien au contraire. Au mois de mars, il fait le ménage à la direction de la compagnie pétrolière et nommant un nouveau directeur, il vire quelques-uns de ces généraux du pétrole dont je vous ai parlé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Patronat, syndicats et partis politiques d'opposition se mobilisent pour obtenir leur réintégration. Là aussi, on peut s'interroger sur l'intérêt des syndicats dans cette affaire. Vous avez parfaitement raison. C'est un prétexte, en fait, pour s'attaquer à Chavez, le castriste, comme on le désigne dans la presse. Au début du mois d'avril, patronat et syndicats décident d'une grève générale illimitée. Le 11, des manifestants se dirigent vers le palais présidentiel. Des partisans de Chavez les affrontent, il y a des coups de feu. Ouais, qui tire? C'est la plus grande confusion. Les manifestants accusent la garde nationale, mais les chavistes, eux, accusent les francs-tireurs postés sur les toits. Des provocateurs? C'est très possible. Quoi qu'il en soit, il y a des morts, des blessés. Radio et télévision affirment que c'est Chavez qui a ordonné d'ouvrir le feu. Les officiers généraux décident de passer à l'action. C'est le putsch, alors. Oui. Dans la nuit, des militaires envahissent le palais présidentiel. Chavez est déposé, arrêté. Un général déclare que le président a accepté de signer sa démission. Le lendemain, le patron des patrons, Carmona, s'autoproclame président. Il dissout l'Assemblée nationale et révoque tous les élus. Chavez, lui. Il est détenu dans une caserne. Ouais. Je me rappelle qu'il y aura une polémique, c'est pas très vieux ça. Il y aura une polémique sur cette démission que Chavez aurait signée. Effectivement. Il affirmera toujours qu'il n'a jamais signé. Et de fait, on ne trouvera jamais le document. La suite, vous la connaissez. Trois jours plus tard, les partisans de Chavez et les militaires restés dans leur majorité fidèles au président envahissent le palais. Le putsch est terminé. Chavez effectue un retour triomphal à Caracas. Et Carmona est chassé. Il est arrêté, puis assigné à résidence. Il trouvera plus tard refuge à l'ambassade colombienne. Alors, que s'est-il réellement passé ? Il faut d'abord souligner qu'à Washington, très rapidement et imprudemment, on s'est félicité du départ de Chavez. Et Bush avait de bonnes raisons pour cela. Ouais, c'est les relations entre Chavez, Castro, c'est ça. Oui, bien sûr, mais il n'y avait pas que ça. Si Chavez avait condamné les attentats du 11 septembre, il avait par contre dénoncé les bombardements américains en Afghanistan. Puis il y avait ses liens avec les États voyous, pour reprendre le vocabulaire de Bush. Vous êtes en train de me dire que ce sont les Américains qui sont derrière ce putsch raté. Écoutez, j'observe que dès que Carmona a pris possession du palais présidentiel, l'ambassadeur américain s'y est précipité pour le rencontrer. D'autre part, deux officiers supérieurs américains ont été vus la nuit du putsch dans les locaux de l'état-major vénézuélien. D'accord, mais ça ne prouve pas forcément que les Américains étaient impliqués dans cette tentative de putsch. C'est vrai, mais c'est quand même troublant. Encore plus troublant, le fait que des opposants vénézuéliens, dont Carmona, ont été reçus à plusieurs reprises à Washington dans les semaines ou les mois qui ont précédé le putsch. Reçus par qui ? Otto Reich, le sous-secrétaire d'État chargé des affaires américaines et donc responsable de la politique latino-américaine de l'administration Bush. Reich est un exilé cubain, un farouche adversaire de Castro. Il a déclaré récemment que les États-Unis disposaient des moyens politiques, économiques et militaires pour renverser le régime castriste. Ah ouais, donc il ne devait pas apprécier particulièrement Chavez. Pas évident. Notons aussi que Reich est aussi un ancien de l'Iran Gate qui a réussi à passer entre les gouttes quand le scandale a éclaté. Mais il n'a pas été inquiété, lui. Non, il a même été récompensé puisqu'il a été nommé ambassadeur. Ambassadeur au Venezuela, c'est curieux, non ? Enfin, ça veut dire en tout cas qu'il connaissait bien le pays et son personnel politique. Oui, c'est pourquoi je pense que c'est lui qui a tiré les ficelles et qui a poussé les candidat au putsch à passer à l'action. Mais vous n'avez pas de preuves. Écoutez, dans ce genre d'affaires, on a rarement des preuves. Enfin, avouez qu'il y avait un faisceau de présomption. J'ajoute que Reich s'est entretenu au téléphone avec Carmona la nuit même du putsch. Cette célérité peut laisser soupçonner que Reich connaissait les plans des putschistes. Ouais, peut-être, oui. Et la clé de toute cette affaire, c'est le pétrole. Les Américains avaient de nombreuses raisons de se plaindre de ce Chavez qui les agaçait au plus haut point. Mais ce que l'administration Bush désirait par-dessus tout, c'est une administration où les pétroliers sont omniprésents. C'était briser le carcan de l'OPEP où le Venezuela était un élément moteur. Et donc obtenir une baisse du prix du pétrole en renonçant à la limitation de la production. Et à terme, ce que visaient les États-Unis, c'était la privatisation de la compagnie pétrolière vénézuélienne, pour le plus grand profit, bien sûr, des trusts américains. Je vous fais remarquer aussi que Carmona, à peine arrivé au pouvoir, a laissé entendre que son gouvernement entendait revenir sur la politique de réduction de la production mise en œuvre par Chavez. Ça me semble clair, non ? Alors, les États-Unis ont-ils vraiment été impliqués dans le putsch qui a provisoirement éloigné du pouvoir le président Chavez ? Certains journaux américains l'ont affirmé. Il ressort en tout cas des informations publiées par la presse que Washington savait qu'un putsch se préparait. Il reste que la situation demeure très tendue au Venezuela. Les adversaires de Chavez n'ont pas désarmé. Et la récente décision du tribunal suprême d'absoudre les officiers généraux compromis dans le putsch a encore radicalisé les positions des uns et des autres.